Annie Lebrun, je pourrais dire que, au fond, vous ne faites que parler d'amour. Je ne pense qu'à ça. Comme Pascal a misé sur l'existence de Dieu, le fameux pari de Pascal sur l'existence de Dieu, eh bien moi j'ai misé sur la possibilité de la solution amoureuse. Alors bon, d'un autre côté, on peut dire aussi, on peut remarquer que c'est pas une nouveauté, que c'est même une constante d'une certaine hérésie occidentale, des cathares au surréalisme, en passant par le romantisme, sans parler non plus de Dante qui nous a appris que c'est l'amour qui fait mouvoir les étoiles, ni de Hegel qui voulait faire reposer son système sur l'amour. Bon, à ceci près que, disons, par rapport au surréalisme et aussi à Breton, donc qui effectivement mise tout sur l'amour, moi je ne peux pas me résoudre à chercher dans l'amour un nouveau sacré. Et c'est ça qui me différencie en quelque sorte d'une forme d'adhésion au surréalisme car pour moi l'idée d'amour aura été prétexte à tant d'escroqueries, à tant de tromperies, qu'il me semble depuis le début nécessaire de la reconsidérer autrement, de la reconsidérer tout à fait autrement. Par ailleurs, le fait est que, à mes yeux, l'énigme amoureuse est si grande que, pour moi, il ne s'agit pas d'aimer aveuglément, mais au contraire d'aimer éperdument. Et alors, surtout, pour peu qu'on reconnaisse dans l'amour, enfin pour moi c'est ça, le seul moyen de conjurer la solitude de l'être dans un monde sans transcendance, et en accédant à une souveraineté, et à la seule souveraineté qui vaille, à mon avis, et qui est celle qui vous emporte indéfiniment vers l'autre. Mais d'un autre côté, on a l'impression, en vous lisant, que l'amour est aussi un formidable moyen de connaissance. Oui, mais alors c'est pourquoi, de toute façon, effectivement, on peut dire que, dans le fond, quoi que je fasse, je reviens toujours à la question amoureuse. Et je n'aurais eu de cesse de parcourir, en quelque sorte, tout le spectre du sentiment amoureux, de l'amour sublime, pour reprendre l'expression de Benjamin Perret, à ce qu'on appelle la pornographie et toutes les formes d'aberration sexuelle, parce qu'il s'agit là, comme l'a si bien dit Breton, de cet infracassable noyau de nuit dont on est loin d'avoir fait le tour, comme notre époque le laissait prétendre. Alors c'est pour ça que je n'arrête pas de revenir à Fourier, à Sade, à Jarry, à Pierre-Louis, à des monuments comme Ma vie secrète, là, de cet anonyme anglais du 19e siècle. Et cela pour la raison évidente, mais que personne, à mon avis, n'a formulé aussi bien que Pierre-Louis dans sa fameuse préface à Aphrodite. Pour cette raison-là, et ça, je ne peux pas m'empêcher de redire une fois de plus cette citation à laquelle je tiens tant. Ceux qui n'ont pas senti jusqu'à leur limite, soit pour les aimer, soit pour les maudire, les exigences de la chair sont par là même incapables de comprendre toute l'étendue des exigences de l'esprit. Alors, pour moi, c'est une affirmation capitale. Toutes les pensées qui m'intéressent reviennent autour de ce que j'ai appelé, à propos de ça, le bloc d'abîme, autour de cette obscurité qui nous fonde en quelque Alors, sorte. Alors, il y a quand même un texte qui est très énigmatique, qui est un texte très difficile à comprendre, qui figure d'ailleurs dans le livre de l'Éperdu. Ça s'appelle « Comme c'est petit un éléphant ». On a affaire à un amour dont on n'a pas l'habitude. Oui, bah c'est justement bien pour ça que c'est intéressant. Et oui, bien bon, sûr. Là, c'est une histoire un peu bizarre. C'est qu'un jour, Jean-Jacques Pauvert, avec qui je travaille depuis longtemps, puisque c'est lui qui m'a demandé de commencer, enfin, incité à écrire sur Sade, donc qui un jour m'a demandé de faire une postface ou une préface pour le Surmal de Jarry. Il savait très bien que c'était Un de mes livres préférés, c'est un petit roman, comme vous le savez, un petit parce qu'il est très court. Et pendant, j'ai demandé un temps de réflexion assez long. Parce que quand on aime tellement quelque chose, tellement un livre, il y a toujours quelque chose de dérisoire à vouloir écrire dessus. Et puis, au bout d'un mois ou deux, je me suis dit que peut-être, il y avait là, peut-être que d'une certaine façon, si j'essayais d'approfondir ce qui m'attirait dans ce livre, j'en saurais peut-être plus, et sur moi, et sur Jarry. Et je me suis lancée dans cette sorte d'aventure, parce que ça a été ça, ce texte-là, qui effectivement est difficile, mais il a été difficile à, difficile à faire aussi. Oui. Et au fur et à mesure, peut-être seulement aujourd'hui, je me rends compte que peut-être, dans le fond, j'ai peut-être toujours voulu écrire un livre sur l'amour, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne cesse de me hanter. Et que peut-être l'ai-je fait avec ce long texte sur le surmal de Jarry, parce que j'y retrouvais tous les éléments dont je n'avais pas pris conscience, mais qui émergeaient au fur et à mesure de ma lecture. Vous dites qu'on ne comprendrait rien, en effet, à la fin de ce livre, si on ne voyait pas qu'après avoir fait de l'amour tel qu'on le pratique un sujet de révolte, Jarry fait de celui dont il rêve une puissance de révolte qui menace, dans leur base, mœurs et lois humaines. Donc l'amour, c'est beaucoup plus fort que du sentiment, là. Oui, c'est tout sauf du sentiment, tel que Jarry le conçoit. C'est pour ça, et je pense qu'il a raison. Oui. En ce sens, il rejoint Sade. Et moi, ce qui me fascine complètement dans ce livre, qui d'ailleurs est dans le surmal, qui, contrairement au texte que j'ai fait, se lit avec une facilité extraordinaire. Donc ce qui montre aussi la dérision de tous les commentaires. Mais ce qu'il y a, à mon avis, de tout à fait remarquable, c'est que d'abord, tout est joué avec la première phrase où Jarry dit « L'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment. » C'est ça. Et si on ne part pas de cette réalité-là, de cette réalité physique, de cette réalité mécanique, alors si on oublie cette réalité, alors tous les mensonges sont possibles. Et je pense qu'il n'y a que Sade pour commettre comme Jarry ce genre de sacrilège, en considérant d'abord l'amour dans son aspect répétitif mécanique, c'est-à-dire comme objet de révolte, et en s'en servant, se servant justement de ce néant qu'est la mécanique amoureuse, pour commencer par mettre en pièces tous les enjoliveurs sentimentaux, poétiques, dont on affuble l'idée d'amour. Et de plus, si les amants de Jarry, donc qui jouent sur le nombre, sur l'excès, etc., et si les deux amants qu'il met en scène redécouvrent tout l'amour en voyageant éperdument en eux-mêmes, et c'est d'une telle beauté la façon dont Jarry évoque cette étreinte infinie qui est la leur, eh bien c'est parce que aussi c'est d'une telle beauté, parce qu'ils quittent l'un après l'autre les rivages connus de la religiosité amoureuse, de la dévotion amoureuse, pour découvrir ensemble et seuls l'obscurité, la sorte d'obscurité criminelle où le désir prend sa force et où le lyrisme passionnel s'enracine. Et c'est en ce sens-là que, pour moi, ce livre est extraordinaire. Et c'est ce voyage, cette sorte d'à-rebours extraordinaire qui est peut-être la dénudation la plus bouleversante qui ait jamais été faite de l'un et de l'autre dans une étreinte amoureuse. C'est ça que j'ai essayé de discerner et de mettre peut-être encore plus en lumière avec ma postface. Alors, il y a une très belle phrase justement de Jarry rapportée par Rachilde qui dit « Nous n'aimons pas les femmes du tout. Mais si jamais nous en aimions une, nous la voudrions notre égale, ce qui ne serait pas rien. » Et on a l'impression que l'expérience de cette égalité-là, elle a lieu dans le surmal, quoi. Oui, parce que c'est justement dans cette perspective non truquée, c'est dans cette perspective débarrassée de tous les oripeaux, propos sentimentaux, moraux, esthétiques, dont l'amour est en général affublé, que tout d'un coup, j'arrive à montrer un désir qui n'est plus moyen de conquête, mais instrument d'une quête, et d'une quête qui se fait à égalité, où tout d'un coup l'amour devient instrument de connaissance, pourrait-on dire, mais pas instrument de connaissance pour se connaître soi-même, savoir qui on est. C'est, en même temps, c'est une sorte de dénudation, de dépossession, de soi dans l'autre, qui est de l'autre qui vous revient, de telle sorte que à ce moment-là, plus rien de fixe, comme dans la poésie, ne détermine alors le paysage amoureux. Et pas plus le masculin que le féminin, dès lors que à la fois l'un peut devenir l'autre, et dès lors que l'autre et l'un peuvent devenir autre. C'est là où elle se trouve, l'égalité. Et elle se trouve passionnellement, pourrait-on dire, et pas dans la parité, dans le ridicule de la parité que vous savez. Et de ce fait, c'est tout l'horizon amoureux où les rôles érotiques sont déterminés, que Jarrie met littéralement en pièces, en faisant ainsi de l'amour la solution imaginaire par laquelle l'égalité conduit à l'altérité. Et ça, c'est très important. C'est la condition pour que l'amour devienne ce qui peut être dans le meilleur des cas, c'est-à-dire une source aussi, une source inépuisable de révolte qui menace dans leur base même, justement, ce que vous avez dit, les mœurs et les lois humaines, et même aussi la fameuse mécanique dont Jarrie a fait son point de départ qui débarrasse le paysage de tous les mensonges. Parce que tout d'un coup, parce que précisément, c'est tout sauf effectivement un amour fusionnel. Oui, c'est un amour qui renvoie à la plus grande des solitudes, mais pas du tout à une solitude désespérée. Il invente là presque un... Jarrie réinvente l'amour. Et pour moi, c'est quelque chose... Il invente des individus nouveaux. Il invente des individus nouveaux. Et aussi, ce qu'il y a de tout à fait remarquable aussi, me semble-t-il, dans ce roman et dans Le Sourd Mâle, c'est que même aussi la mécanique implacable que Jarrie a placée au début et cette sorte de fatalité physique à laquelle on ne peut pas échapper, tout d'un coup, ce qui est en jeu, cet amour qui dérange en quelque sorte l'ordre, parce que c'est un amour qui dérange l'ordre du monde, tout d'un coup, on voit bien comment l'amour tel que le conçoit Jarrie et tel que j'ai l'impudence de le concevoir est une association de malfaiteurs, si on peut dire, de telle sorte que... À la fin, vous souvenez, à la fin du Surmal, il y a une machine à inspirer l'amour, puisque le Surmal est quand même est surdoué, si on veut dire, sexuellement. Mm-hmm. Les représentants de la société, un ingénieur, un chimiste, un physicien, etc., ont fabriqué une machine à inspirer l'amour pour essayer de mettre un frein à cette puissance effrénée. Et c'est de l'ordre du miracle complètement irreligieux. Il se passe que la machine à inspirer l'amour devient amoureuse du surmal. Donc, tout d'un coup, les représentants de la société qui pensaient mater mécaniquement le surmal sont complètement dépassés par ce que Jarrie dit lui-même, cette force capable de rénover et de détruire le monde. Et on voit bien alors là que pour lui, cette solution imaginaire qu'est l'amour, qu'il imagine, qu'il réinvente dans le surmal, c'est vraiment cette sorte de comète de révolte qui peut, dans cette perspective, complètement changer les choses. Au fond, Annie Lebrun, pour Jarrie, comme pour Sade, comme pour vous, l'amour, au fond, n'est intéressant que s'il est dangereux. Oui, mais c'est aussi tout ce qui est... un peu libre et dangereux. Et aussi, on voit bien que à la fin, n'est-ce pas, on essaye, les représentants de ce monde-là, donc, que sont l'ingénieur, le chimiste, etc., qui essayent de mater le surmal, dans le fond, lui font le grief et vont le condamner parce qu'il n'aime pas comme une machine sociale. Et c'est justement ce que veut notre monde. Ce monde dans lequel nous vivons, contrairement à ce qui se passait au début du siècle où il y avait la répression que vous savez, maintenant vous propose une multitude de possibilités de satisfaire immédiatement le désir pour que vous aimiez comme une machine sociale. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est au contraire cette, le danger de subversion, on ne veut pas qu'apparaisse le danger de subversion de la passion amoureuse. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur ce livre et sur cette conception de la passion amoureuse comme force de subversion, surtout dans un monde, comme vous savez, où, par exemple, des philosophes patentés comme Elisabeth Badinter insistent sur la nécessité de l'éradication du désir pour mettre en place une société où les êtres auront des rapports complètement socialisés, complètement normalisés, formatés, et auront une vie sexuelle correspondant à la vie d'esclave qu'ils consentent d'avoir. C'est-à-dire rien. C'est ça. Oui, alors, de l'éperdu, donc page 100. Hein, je vous cite Annie Lebrun. Qu'on le veuille ou non, à côté de lui, il y a Hélène comme la folle possibilité de l'impossible, comme la folle solution de l'amour, capable tant qu'elle dure de donner corps à un insatiable désir d'absolu. J'y insiste, tant qu'elle dure, ce qui rend cette solution improbable quand on sait que le désir d'une éternité qui n'a pas de moment obsède la réflexion de Jarry sur l'amour. Mais en même temps, comment passer outre aux seuls mots d'amour qui sont échangés par les amants au moment de s'étreindre pour la première fois, vous citez « Est-ce possible ?» Car c'est en fin de compte la seule question qui vaille. Et il y en a une autre qui concerne Jarry, mais aussi la poésie et l'amour, même s'il l'a posée à propos du surmâle. Donc citation « Mais pourquoi Marcueil éprouverait-il le besoin de se cacher et de se trahir à la fois, de nier sa force et de la prouver, pour vérifier si son masque tenait bien sans doute ?» Peut-être aussi était-ce la bête qui, à son insu, sortait. Ça, c'est très, très beau. Évidemment, c'est à lire réellement, c'est bien une vraie postface, c'est à lire réellement après avoir lu le roman. Ça n'aurait pas fait une préface convenable. Non. Vous devriez nous lire quelque chose, Annie Lebrun. C'est plutôt une illustration. C'est dans un des premiers textes que j'ai écrit, sur le premier texte, donc sur le champ, où justement, en hommage à... Au surmâle de Jarry, il n'y a pas de chapitre, mais il y a des cernes. Donc c'est le premier, deuxième, jusqu'au douzième cerne. Et le neuvième cerne tourne autour justement de la question de l'amour. Donc c'est un texte lyrique, comme vous allez le voir. Il s'agit là du neuvième cerne. Les maisons, les visages de ceux qu'il m'avait semblé aimer, les rues, les genoux des plus heureuses caresses fouettaient les vitres. Je me jetais à l'encontre de tout, à la plus vive allure. Je voulais l'imprudence, car les accidents arrivent si vite. Comme un chien qui croit reconnaître dans les miasmes des rues la piste qu'il cherche, la voiture erra affolée autour des bastions de l'amour. Les quelques lumières sourdes qui filtraient entre les pierres de ces édifices soigneusement construits par des architectes assermentés laissaient supposer que quelque part, au fond de l'emboîtage, dans les cours intérieures, faute d'oxygène, le feu existait, mais couvait sous la cendre. Pourquoi ces pierres? Pourquoi cette cendre? L'amour était donc une propriété privée comme le reste, et donc ternie du reflet de ses limites comme le reste. Le labyrinthe de glace était général. Au hasard de ses détours, la vie se faisait en catimini de dupes, dans une grossière illusion d'optique qui donnait évidemment à qui voulait bien regarder, d'une certaine façon, la notion d'infini. Je décidais de n'être ni exclu, ni esclave, d'un système de propriété qui me paraissait être en continuelle discordance avec les bruits du cœur. À un feu rouge, je sautais du taxi et courais vers les bas-fonds de la ville. Les grandes souffleries des abris artificiels fonctionnaient bien, trop sans doute, car les femmes éprouvaient encore le besoin d'accentuer leur pâleur naturelle, de maquiller leurs regards, les hommes, de bander leur corps de poignées de force. Me sentant progressivement étouffée malgré les fréquents et rapides déplacements d'air, je partais à la recherche du vent mêlé des tempêtes lunaires, du vent irréductible, par suite de ces insondables plongées dans l'océan, du vent salé qui embrase instantanément du plus petit doigt de pied à la pointe des cheveux de l'esprit. À l'air libre seulement, je compris que je me révoltais contre le capital de la vie intérieure, que j'étais arrivée au point où l'on choisit d'être nanti ou affamé, ce que vous n'étiez pas encore, ce que je n'étais pas encore, tout ce qui était encore et toujours dans l'ombre devenait ma tentation permanente. Impatiente et résolue, patiente et affamée, je commençais à briser centimètre par centimètre les miroirs du labyrinthe. J'ai parlé sans éclat de voix, mon cheminement ne fut pas sans éclat de verre. Oui, là, c'est un extrait des Nomades, de Tout près les Nomades, paru en 1969. On vit, on meurt, parfois on aime, mais qui aime-t-on ? Les amants sont d'évasifs chasseurs d'ombre, lançant désespérément les lévriers blancs de leurs gestes. Un indésirable mécanisme fait que le temps passe, sans que l'on sache pour autant où il passe. Ainsi, se convainc-on trop aisément que la vie n'a pas d'importance, le reste en ayant beaucoup plus. Qu'on ne nous trompe plus, le destin n'est qu'une perversion accidentellement déployée, le corps est plus étendu qu'on a coutume de le supposer, il est l'unique salle des pas perdus, et tout ce qui est joué dépend de l'écho. Nous qui avons tellement d'espace et si peu de temps, nous nous ferons nomades. La nudité de l'amour ne fait que commencer.